Le livre de l'Apocalypse, deuxième étude. Je rappelle pour commencer les trois sections du livre de l'Apocalypse, déterminées sur la base du verset d'Apocalypse 1, 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce que Jean a vu, c'est le Seigneur dans la gloire, chapitre 1er. Ce qui est, c'est l'Église universelle de Jésus-Christ à travers 20 siècles d'histoire, chapitre 2 et 3. Ce qui doit arriver ensuite, ce sont les événements prophétiques encore à venir, décrits dans les chapitres 4 à 22. Alors que l'Église faisait l'objet de toute l'attention de son Seigneur dans les chapitres 2 et 3, il n'est plus question d'elle dès le chapitre 4, où Jean nous présente ce qui doit arriver ensuite. L'Église sera mentionnée à nouveau au chapitre 19, où l'apôtre évoquera les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'union définitive de Christ avec son Église. Ce silence quant à l'Église est un fait significatif qui nous aide à délimiter dans le temps l'application de ces chapitres 4 à 19 de l'Apocalypse. Il s'agit d'une période bien définie, s'étendant entre l'enlèvement de l'Église et l'arrivée foudroyante de Jésus-Christ comme roi sur terre. Selon la plupart des commentateurs de l'Écriture, cette période ne dépassera pas 7 ans et correspond à la 70e semaine d'année annoncée par Daniel à la fin du chapitre 9 de sa prophétie. C'est dire qu'en un laps de temps relativement court, se concentreront des événements d'une extrême gravité, événements qui se produiront simultanément au ciel et sur la terre. Examinons brièvement tout d'abord ce qui se passera au ciel. Au chapitre 4, le trône de Dieu apparaît dans toute sa gloire. Puis, les créatures célestes s'unissent dans un concert de louanges à Jésus-Christ, appelé « Agneau » dans l'Apocalypse. Dans sa main, le livre de la rédemption scellé de 7 sceaux, chapitre 5. Aucune créature céleste ou terrestre n'est jugée digne de délier les sceaux de ce livre, mais Jésus-Christ en est digne. Il déliera donc l'un après l'autre les sceaux de ce livre et, au fur et à mesure, les jugements divins se déclencheront sur la terre. Mais pour l'instant, gardons notre attention fixée sur ce qui se passe au ciel. Après avoir contemplé le trône divin, Jean voit un autel destiné au sacrifice, d'où monte le parfum des prières des saints, chapitre 6, versets 9 à 11. Puis, nouvelle vision, les âmes des martyrs de la grande tribulation sont assemblées devant le trône de Dieu. Il y a d'abord 144 000 Israélites marqués du sceau de Dieu sur leur front, puis une foule innombrable représentant toutes les nations de la terre. Ces deux groupes de martyrs, présentés d'abord en Apocalypse 7, se retrouveront dans les chapitres 14 et 15. Mais n'anticipons pas, au chapitre 10 et 11, des anges puissants proclament le triomphe de Christ. Au chapitre 12, il y a guerre dans le ciel, l'archange Michel et ses anges remportent la victoire sur Satan le dragon, et tout à la fin, au chapitre 19, la louange éclate en quatre Alléluia retentissants lorsque Christ entre dans son règne. Et maintenant, considérons les effets terrestres des proclamations et décrets célestes. Pour mieux comprendre les événements qui se dérouleront sur la terre pendant cette même période, arrêtons-nous un instant sur la partie centrale de cette section prophétique de l'Apocalypse, les chapitres 12 et 13. D'abord, Satan est chassé du ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, versets 9 et 12. Dans un suprême élan de révolte contre le souverain des cieux, le diable s'acharnera contre Israël, le peuple terrestre de Dieu, et contre les saints de la grande tribulation qui mourront martyrs. Satan séduira l'humanité sans Dieu. Il imitera la Trinité divine. Le père du mensonge s'incarnera dans le fils de la perdition, l'Antéchrist, qui, par un faux esprit, opérera des prodiges et des miracles. Apocalypse 13 nous parle de l'Antéchrist sous la forme imagée d'une bête qui monte de la mer et du faux prophète sous celle d'une bête qui monte de la terre. L'Antéchrist est donc une personnalité dominante de l'Apocalypse. Mais sur le fond sombre du règne de l'Antéchrist se profilent les actes souverains de Christ comme juge. Ce sont des jugements bien distincts qui, dans le texte de l'Apocalypse, nous sont présentés sous la forme de trois séries de sept châtiments. L'ouverture des sept sceaux du livre, chapitres 6 et 8, 1 à 4, la sonnerie de sept trompettes, chapitres 8, 9 et 11, 15 à 19, et le déversement de sept coupes, chapitre 16. Les lecteurs de l'Apocalypse, parfois désarçonnés par la complexité du texte, ont comparé le dernier livre de la Bible à un kaléidoscope où, en agitant le tube, on obtient des assemblages inattendus déterminés par le hasard. Mais rien n'arrive par hasard dans l'Apocalypse. Je préfère de beaucoup l'image du télescope proposée par certains commentateurs pour expliquer l'interdépendance et la complémentarité des jugements apocalyptiques. Dans un télescope, le réglage de plusieurs tubes concentriques met les diverses lentilles à distance définie l'une de l'autre et vous permet de distinguer nettement des objets souvent fort éloignés. Le télescope de l'Apocalypse nous révèle donc trois séries distinctes de sept jugements, qui ne sont pas nécessairement consécutives, car l'on retrouve dans chacune d'elles des éléments comparables. Dans l'Apocalypse, les événements décrits suivent le même ordre que dans le discours de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, Matthieu 24 à 25, Marc 13, Luc 21. Un fait prépare l'autre et implique l'ensemble. Parmi ces jugements consécutifs, mentionnons les séductions, Apocalypse 6, 1 à 2, les guerres, Apocalypse 6, 3 à 4, les famines, Apocalypse 6, 5 à 6, les épidémies, Apocalypse 6, 7 à 8. C'est une époque de terreur pour tous les habitants du monde, Apocalypse 6, 12 à 17. Le tiers de la terre est brûlé par des cataclysmes qui nous font penser à des explosions nucléaires, Apocalypse 8. Le sous-monde déverse sur l'humanité des agents de tourment et toute une prolifération d'esprits malfaisants, Apocalypse 9. Et pour finir, de terribles fléaux terrassent les hommes, Apocalypse 16. Ces hommes qui pourtant continuent d'endurcir leur cœur ou refusent de se repentir. Enfin, l'Antéchrist porte au pouvoir une femme symbolique qui se nomme Babylone la Grande, Apocalypse 17. Ce système politico-religieux universel est l'expression du suprême blasphème. Aussi, son jugement sera-t-il encore plus foudroyant que celui de l'antique Babylone ruinée en une nuit. Elle est tombée, Babylone la Grande, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse 18, versets 2, 5 et 10. Et cet impitoyable jugement nous introduit au chapitre 19 de l'Apocalypse, un chapitre vers lequel convergent plus de 10 000 prophéties de la Bible entière. La seconde venue de Jésus-Christ sur terre pour juger et pour régner. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19, 11 à 16. Christ et ses armées célestes frapperont alors l'Antéchrist et les nations. Le faux Christ et l'esprit d'erreur seront jetés dans les temps de feu et de soufre, tandis que Satan sera lié pour 1000 ans. 1000 ans où Christ règnera sur les nations et récompensera ses fidèles. Et, après ces 10 siècles de paix, de félicité et de bonheur sans précédent pour les hommes, Satan sera délié pour un peu de temps. Il fomentera alors une ultime révolte, mais Christ frappera de façon définitive son adversaire et le jettera dans l'étang de feu et de soufre où il sera tourmenté pour l'éternité. Et il ne sera pas le seul à l'être, car tous ceux qui auront refusé d'adorer Dieu et de croire en lui au cours de l'histoire y seront également jetés. C'est ce qui apparaîtra au jugement dernier, lorsque le ciel et la terre s'enfuiront devant le trône de justice du souverain et où les âmes irrégénérées ressusciteront pour le jugement. Ces événements, dont l'ampleur surpasse tout ce qui précède, sont résumés en Apocalypse 20. Quant aux deux derniers chapitres de la Bible, ils font resplendir devant nos yeux les perspectives de l'éternité où Dieu vivra au sein des hommes sur une terre entièrement nouvelle où la justice habitera. Lorsque le président Eisenhower exerçait ses hautes fonctions, il aimait, quand il se rendait en province, parcourir la presse régionale. Un jour, il tomba sur l'interview d'un journaliste avec un jeune garçon frappé de leucémie. Le journaliste lui avait posé cette question. « Dis-moi, quel serait ton souhait le plus ardent? Que désires-tu le plus au monde pendant les jours qui te restent à vivre ?»« Je voudrais voir le président des États-Unis. » Eisenhower était un homme de cœur. Aussi, il se fit conduire à l'adresse indiquée et sonna à la porte. Le père, en bleu de travail, vint répondre. La mère, affolée, s'empressa de fermer la porte de la chambre à coucher, dont les lits étaient encore défaits. L'enfant, évidemment, fut au comble de la joie et reçut des cadeaux dignes du rang de son visiteur. Cependant, après la visite, les parents se regardèrent. « Et dire que nous avons fait grâce matinée justement aujourd'hui et que nous avons reçu le président dans un appartement en désordre. Bientôt, très bientôt, quelqu'un dont le rang est infiniment plus élevé que celui du président des États-Unis va surprendre le monde par son arrivée soudaine. Le Seigneur a dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Apocalypse 22, 12. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Sinon, mettez-vous en ordre avec lui. Et si vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel, joignez-vous aux innombrables croyants de tous les peuples qui expriment leur amour envers le Seigneur Jésus et leur fervente attente, peut-être dans les termes qui concluent l'Apocalypse et avec lui toute la Bible. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Amen ! Viens, Seigneur Jésus !»